Mathias Sandorf, de Jules Verne. Cinquième partie. Chapitre 1. Poignée de main de Cap Matifou. Si le comte Mathias, on le sait, avait voulu rester le docteur Antekirt, sinon pour Pierre, du moins pour tout le personnel de la colonie, c'est qu'il entrait dans ses desseins de demeurer tel jusqu'à l'entier accomplissement de son œuvre. Aussi, lorsque le nom de sa fille fut tout à coup jeté par Madame Bathory, eut-il assez d'empire sur lui-même pour dominer son émotion. Cependant, son cœur avait un instant cessé de battre, et moins maître de lui, il fut tombé sur le seuil de la chapelle comme s'il eût été frappé d'un coup de foudre. Ainsi sa fille était vivante. Ainsi elle aimait Pierre et elle en était aimée. Et c'était lui, Mathias Sandorf, qui avait tout fait pour empêcher cette union. Et ce secret qui lui rendait Sava n'aurait jamais été découvert si Madame Bathory n'eût pas recouvré la raison comme par miracle. Mais que s'était-il donc passé 15 ans avant au château d'Artenac? On ne le savait que trop maintenant. Cette enfant, restée seule héritière des biens du comte Mathias Sandorf, cette enfant dont la mort n'avait jamais pu être constatée, avait été enlevée, puis remise entre les mains de Silas Toronta. Et peu de temps après, lorsque le banquier fut venu se fixer à Raguse, Madame Toronta avait dû élever Sava Sandorf comme sa fille. Telle avait été la machination conçue par Sarkany, exécutée par Namir, sa complice. Sarkany n'ignorait pas que Sava devait être mise en possession d'une fortune considérable à l'âge de 18 ans. Et lorsqu'elle serait sa femme, il saurait bien la faire reconnaître pour l'héritière des Sandorf. Ce serait le couronnement de son abominable existence. Il deviendrait le maître des domaines d'Artenac. Ce plan odieux avait-il échoué jusqu'alors? Oui, sans aucun doute. Si le mariage eût été accompli, Sarkany se serait déjà hâté d'en tirer tous ses avantages. Et maintenant, quel regret dût éprouver le docteur Antekirt? N'était-ce pas lui qui avait provoqué ce déplorable enchaînement de faits, d'abord en refusant son concours à Pierre, puis en laissant Sarkany poursuivre ses projets alors qu'il eût pu, lors de leur rencontre à Cattaro, le mettre hors d'état de nuire, et enfin en ne rendant pas à Madame Bathory ce fils qu'il venait d'arracher à la mort. En effet, que de malheurs eussent été évités si Pierre se fût trouvé près de sa mère lorsque la lettre de Madame Torontal était arrivée à la maison de la rue Marinella. Sachant que Sava était la fille du comte Sandorf, est-ce que Pierre n'aurait pas su la soustraire aux violences de Sarkany et de Silas Torontal? Et à présent, où était Sava Sandorf? Au pouvoir de Sarkany, certainement. Mais en quel lieu la cachait-il? Comment la lui arracher? Et pourtant, dans quelques semaines, la fille du comte Sandorf aurait atteint sa 18e année, limite fixée pour qu'elle n'eût pas perdu sa qualité d'héritière. Et cette circonstance devait pousser Sarkany aux dernières extrémités pour l'obliger à consentir à cet odieux mariage. En un instant, toute cette succession de faits avait traversé l'esprit du docteur Antekirt. Après s'être reconstitué ce passé, comme Madame Bathory et Pierre venaient de le faire eux-mêmes, il sentait les reproches, non mérités sans doute, que la femme et le fils d'Étienne Bathory pouvaient être tentés de lui adresser. Et cependant, les choses étant ce qu'il les avait crues, aurait-il pu accepter un pareil rapprochement entre Pierre et celle qui, pour tous et pour lui-même, s'appelait Sava Torontal? Maintenant, il fallait à tout prix retrouver Sava, sa fille, dont le nom, joint à celui de la comtesse Rena, sa femme, avait été donné à la goélette Sava Rena, comme celui de Ferrato au Stémiode. Mais il n'y avait pas un jour à perdre. Déjà, Madame Bathory avait été reconduite au Stadthaus lorsque le docteur, accompagné de Pierre, qui se laissait aller à des alternatives de joie et de désespoir, y rentra sans avoir prononcé une parole. Très affaiblie par la violente réaction dont les effets venaient de se produire en elle, mais guérie, bien guérie, Madame Bathory était assise dans sa chambre quand le docteur et son fils vinrent l'y retrouver. Maria, comprenant qu'il convenait de les laisser seuls, se retira dans la grande salle du Stadthaus. Le docteur Antekirt s'approcha alors et la main appuyée sur l'épaule de Pierre. « Madame Bathory, dit-il, j'avais déjà fait mon fils du vôtre, mais ce qu'il n'était encore que par l'amitié, je ferai tout pour qu'il le devienne par l'amour paternel, en épousant Sava, ma fille. »« Votre fille ? » s'écria Madame Bathory. « Oui, je suis le comte Mathias Sandorf. » Madame Bathory se releva soudain, étendit les mains et retomba dans les bras de son fils. Mais si elle ne pouvait parler, elle pouvait entendre. En quelques mots, Pierre lui apprit tout ce qu'elle ignorait. Comment le comte Mathias Sandorf avait été sauvé par le dévouement du pêcheur Andrea Ferrato. Pourquoi, pendant 15 ans, il avait voulu passer pour mort. Comment il avait reparu à Raguse sous le nom du docteur Antekirt. Il raconta ce qu'avaient fait Sarcani et Silas Dorontal dans le but de livrer les conspirateurs de Trieste, puis la trahison de Carpena, dont Ladislas Zatmar et son père avaient été victimes, et enfin comment le docteur l'avait arraché vivant au cimetière de Raguse pour l'associer à l'œuvre de justice qu'il voulait accomplir. Il acheva son récit en disant que deux de ces misérables, le banquier Silas Dorontal et l'Espagnol Carpena, étaient déjà en leur pouvoir, mais que le troisième, Sarcani, manquait encore, ce Sarcani qui prétendait faire sa femme de Sava Sandorf. Pendant 1 heure, le docteur, Madame Bathory et son fils, que l'avenir allait maintenant confondre dans une si étroite affection, reprirent par le détail les faits relatifs à la malheureuse jeune fille. Évidemment, Sarcani ne reculerait devant rien pour obliger Sava à ce mariage, qui devait lui assurer la fortune du comte Sandorf. Ils envisagèrent plus particulièrement cette situation. Mais si ses projets étaient maintenant déjoués pour le passé, ils n'en étaient que plus redoutables pour le présent. Donc, avant tout, retrouver Sava, du ton remué ciel et terre. Il fut convenu tout d'abord que Madame Bathory et Pierre resteraient seuls à savoir que le comte Mathias Sandorf se cachait sous le nom du docteur Antekirt. Dévoiler ce secret, c'eût été dire que Sava était sa fille, et dans l'intérêt des nouvelles recherches qui allaient être entreprises, il importait qu'il fût gardé. Mais où est Sava? Où la chercher? Où la reprendre? Demanda Madame Bathory. Nous le saurons, répondit Pierre, chez qui le désespoir avait fait place à une énergie qui ne devait plus faiblir. Oui, nous le saurons, dit le docteur. Et en admettant que Silas Dorontal ne sache pas en quel lieu s'est réfugié Sarcani, du moins ne peut-il ignorer où ce misérable retient ma fille. Et s'il le sait, il faut qu'il le dise, s'écria Pierre. Oui, il faut qu'il parle, répondit le docteur. À l'instant. Le docteur Antekirt, Madame Bathory et Pierre n'auraient pu plus longtemps rester dans une telle incertitude. Luigi, qui était avec Pointe-Pescade et Cap Matifou dans la grande salle du Stadthaus où Maria les avait rejoints, fut aussitôt mandé. Il reçut l'ordre de se faire accompagner par Cap Matifou jusqu'au Fortin et d'amener Silas Dorontal. Un quart d'heure après, le banquier quittait la casemate qui lui servait de prison, le poignet serré dans la large main de Cap Matifou, et il suivait la grande rue d'Artenac. Luigi, auquel il avait demandé où on le conduisait, n'avait rien voulu répondre. De là une inquiétude d'autant plus vive que le banquier ignorait toujours au pouvoir de quel puissant personnage il se trouvait depuis son arrestation. Silas Dorontal entra dans le hall. Il était précédé de Luigi et toujours tenu par Cap Matifou. S'il aperçut tout d'abord Pointe-Pescade, il ne vit ni Madame Bathory ni son fils, qui s'étaient retirés à l'écart. Soudain, il se trouva en présence du docteur, avec lequel il avait vainement essayé d'entrer en relation lors de son passage à Raguse. « Vous ? » s'écria-t-il. Puis, se remettant non sans effort, « Ah, dit-il, C'est le docteur Antekirt qui m'a fait arrêter sur le territoire français. C'est lui qui me retient prisonnier contre tout droit. Mais non contre toute justice, répondit le docteur. Et que vous ai-je fait ? Demanda le banquier, auquel la présence du docteur venait évidemment de rendre quelque confiance. Oui, que vous ai-je fait ? À moi, vous allez le savoir, répondit le docteur. Mais auparavant, Silas Dorontal, demandez ce que vous avez fait à cette malheureuse femme. Madame Bathory ? S'écria le banquier en reculant devant la veuve qui venait de s'avancer vers lui. Et à son fils, ajouta le docteur. Pierre Bathory, balbutia Silas Dorontal. Et il fût certainement tombé si Cap Matifou ne l'eût irrésistiblement maintenu debout à cette place. Ainsi, Pierre Bathory qu'il croyait mort, Pierre dont il avait vu passer le convoi, Pierre qu'on avait enseveli dans le cimetière de Raguse, Pierre était là, devant lui, comme un spectre sorti de sa tombe. En sa présence, Silas Dorontal fut épouvanté. Il commença à comprendre qu'il ne pourrait échapper au châtiment de ses crimes. Il se sentit perdu. « Où est Sava ? » demanda brusquement le docteur. « Ma fille ? » ?»« Sava n'est pas votre fille. Sava est la fille du comte Mathias Sandorf que Sarkany et vous avez envoyée à la mort après l'avoir lâchement dénoncée avec ses deux compagnons, Étienne Bathory et Ladislas Azatmar. » Devant cette accusation si formelle, le banquier fut anéanti. Non seulement le docteur Antekirt savait que Sava n'était pas sa fille, mais il savait qu'elle était la fille du comte Mathias Sandorf. Il savait comment et par qui avaient été trahis les conspirateurs de Trieste. Tout cet odieux passé se relevait contre Silas Dorontal. « Où est Sava ? » reprit le docteur, qui ne se contenait plus que par un violent effort de sa volonté. « Où est Sava, que Sarkany, votre complice, en tous ses crimes, a fait enlever il y a 15 ans du château d'Artenac ? Où est Sava, que ce misérable retient en un lieu que vous connaissez, que vous devez connaître, pour lui arracher son consentement à un mariage qui lui fait horreur ? Pour la dernière fois, où est Sava ? » Si effrayante que fût l'attitude du docteur, si menaçante qu'eût été sa parole, Silas Dorontal ne répondit pas. Il avait compris que la situation actuelle de la jeune fille pouvait lui servir de sauvegarde. Il sentait que sa vie serait respectée tant qu'il n'aurait pas livré ce dernier secret. « Écoutez, reprit le docteur, qui parvint à reprendre son sang-froid. Écoutez-moi, Silas Dorontal. Peut-être croyez-vous devoir ménager votre complice. Peut-être, en parlant, craignez-vous de le compromettre. Eh bien, sachez ceci. Sarkany, afin de s'assurer votre silence, après vous avoir ruiné, Sarkany a tenté de vous assassiner, comme il avait assassiné Pierre Bathory à Raguse. Oui, au moment où mes agents se sont emparés de vous, sur la route de Nice, il allait vous frapper. Et maintenant, persisterez-vous à vous taire ? Silas Dorontal, s'entêtant dans cette idée que son silence obligerait à composer avec lui, ne répondit pas. « Où est Sava ? Où est Sava ? » reprit le docteur qui se laissait emporter cette fois. « je ne sais, » répondit Silas Dorontal, résolu à garder son secret. Soudain, il poussa un cri et se tordant sous la douleur, il essaya vainement de repousser Cap Matifou. « Grâce ! Grâce ! » criait-il. C'est que Cap Matifou, inconsciemment peut-être, lui écrasait la main dans la sienne. « Grâce ! » répéta-t-il. « Parlerez-vous ? » ?»« Oui, oui. Ça va, dit Silas Dorontal, qui ne pouvait plus répondre que par mots entrecoupés. « Ça va, dans la maison de Namir, l'espionne de Sarkany, à Tétuan. » Cap Matifou venait de lâcher le bras de Silas Dorontal, et ce bras retomba inerte. « Reconduisez le prisonnier, » dit le docteur. « Nous savons ce que nous voulions savoir. » Et Luigi, entraînant Silas Dorontal hors du Stadthaus, le ramena à la casemate. Ça va, Tétuan. Ainsi, lorsque le docteur Antekirt et Pierre Bathory, il y a moins de 2 mois, arrivaient à Ceuta pour arracher l'Espagnol au préside, quelques milles seulement les séparaient du lieu où la Marocaine détenait la jeune fille. Cette nuit même, Pierre, nous partirons pour Tétuan, dit simplement le docteur. À cette époque, le chemin de fer n'allait pas directement de Tunis à la frontière du Maroc. Aussi, afin d'arriver à Tétuan dans le moins de temps possible, ce qu'il y avait de mieux à faire, c'était de s'embarquer sur l'un des plus rapides engins de la flottille d'Antequerta. Avant minuit, l'électrique 2 avait appareillé et se lançait à travers la mer des Sirtes. À bord, le docteur, Pierre, Luigi, Pointe Pescade, Cap Matifou seulement. Pierre était connu de Sarkany, les autres non. Lorsqu'on serait arrivé à Tétuan, on aviserait. Conviendrait-il d'agir plutôt par la ruse que par la force? Cela dépendrait de la situation de Sarkany, au milieu de cette ville absolument marocaine, de son installation dans la maison de Namir, du personnel dont il disposait. Avant tout, arriver à Tétuan. Du fond des Sirtes à la frontière du Maroc, on compte environ 2500 kilomètres, soit près de 1350 000 marins. Or, à toute vitesse, l'électrique 2 pouvait faire près de 27 000 à l'heure. Combien de trains de chemin de fer n'ont pas cette rapidité? Donc, à ce long fuseau d'acier qui ne donnait aucune prise au vent, qui passait à travers la houle, qui ne s'inquiétait pas des coups de mer, il ne fallait pas 50 heures pour arriver à destination. Le lendemain, avant le jour, l'électrique 2 avait doublé le Cap Bon. Depuis ce point, après avoir passé à l'ouvert du golfe de Tunis, il ne lui fallut que quelques heures pour perdre de vue la pointe de Bizerte. La Caillée, Beaune, le Cap de Fer, dont la masse métallique, dit-on, trouble l'aiguille des boussoles, la côte de l'Algérie, Stora, Bougie, Délis, Alger, Cherchel, Mostaganem, Oran, Nemours, puis les rivages du Rif, la pointe de Meïlla, qui est espagnole comme Ceuta, le cap 13 Forcas, à partir duquel le continent s'arrondit jusqu'au cap Negro, tout ce panorama du littoral africain se déroula pendant les journées du 20 et du 21 novembre sans un incident, sans un accident. Jamais la machine actionnée par les courants de ses accumulateurs n'avait donné un pareil rendement. Si l'électrique fut aperçue, tantôt au long des côtes, tantôt au large des golfes qu'il coupait de cap en cap, les sémaphores durent croire à l'apparition d'un navire phénoménal, ou peut-être d'un cétacé d'une puissance extraordinaire qu'aucun steamer n'eût pu atteindre à la surface des eaux méditerranéennes. Vers 8 heures du soir, le docteur Antequerte, Pierre, Luigi, Pointe Pescade et Cap Matifou débarquaient à l'embouchure de la petite rivière de Tétuan, dans laquelle vint mouiller leur rapide embarcation. À 100 pas de la rive, au milieu d'une sorte de petit caravansérail, ils trouvèrent des mules et un guide arabe qui offrit de les conduire à la ville éloignée de 4 000 au plus. Le prix demandé fut accepté sans conteste et la petite troupe partit aussitôt. En cette partie du Rif, les Européens n'ont rien à craindre de la population indigène, ni même des nomades qui courent le pays. Contrée peu habitée d'ailleurs et presque sans culture. La route se développe à travers une plaine semée de maigres arbustes, route plutôt faite par le pied des montures que par la main des hommes. D'un côté, la rivière, aux berges vaseuses, emplie du coassement des grenouilles et du sifflet des grillons, avec quelques barques de pêche mouillées au milieu du courant ou tirées au sec. De l'autre côté, sur la droite, un profil de collines pelées qui vont se joindre aux massifs montagneux du sud. La nuit était magnifique. De la lune a inondé de lumière toute la campagne. Réverbérée par le miroir de la rivière, elle rendait un peu mou le dessin des hauteurs à l'horizon du nord. Au loin blanchissait la ville de Tétuan, une tache éclatante dans les basses brumes du fond. L'arabe menait bon train sa petite troupe. 2 ou 3 fois, il fallut s'arrêter devant des portes isolées, dont la fenêtre, sur la partie non éclairée par la lune, lançait une lueur jaunâtre à travers l'ombre. Alors sortaient 1 ou 2 Marocains, balançant une lanterne blafarde qui venait conférer avec le guide. Puis, après avoir échangé quelques mots de reconnaissance, on se remettait en route. Le docteur ni ses compagnons ne parlaient. Absorbés dans leurs pensées, ils laissaient aller les mules, habituées à ce chemin de la plaine, çà et là raviné, jonché de cailloux ou embarrassé de racines, qu'elles évitaient d'un pied sûr. La plus solide de ces vigoureuses bêtes, cependant, restait quelquefois en arrière. Il n'aurait pas fallu la mésestimer pour cela. Elle portait Cap Matifou. Ce qui amenait Pointe-Pescade à faire cette réflexion. Peut-être eût-il été préférable que Cap Matifou portât la mule au lieu que la mule portât Cap Matifou. Vers 9h30, l'arabe s'arrêtait devant un grand mur blanc, surmonté de tours et de créneaux qui défend la ville de ce côté. Dans ce mur s'ouvrait une porte basse, enjolivée d'arabesques à la mode marocaine. Au-dessus, à travers de nombreuses embrasures, s'allongeaient des gueules de canon semblables à de gros caïmans nonchalamment endormis au clair de lune. La porte était fermée. Il fallut parlementer pour la faire ouvrir, l'argent à la main. Puis tous s'enfoncèrent à travers des rues sinueuses, étroites, la plupart voûtées, avec d'autres portes bardées de ferrures qui furent successivement ouvertes par les mêmes moyens. Enfin, un quart d'heure après, le docteur et ses compagnons arrivèrent à une auberge, une fonda, la seule de l'endroit, tenue par une juive et servie par une fille borgne. Le manque de confort de cette fonda, dont les modestes chambres étaient disposées autour d'une cour intérieure, s'expliquera par le peu d'étrangers qui s'aventurent jusqu'à Tétuan. Il ne s'y trouve même qu'un seul représentant des puissances européennes, le consul d'Espagne, perdu au milieu d'une population de quelques milliers d'habitants, parmi lesquels domine l'élément indigène. Quelque désir qu'eut le docteur Antekert de demander où était la maison de Namir et de s'y faire conduire à l'instant, il y résista. Il importait d'agir avec une extrême prudence. Un enlèvement pouvait présenter des difficultés sérieuses dans les conditions où devait se trouver Sava. Toutes les raisons, pour et contre, avaient été sérieusement examinées. Peut-être y aurait-il même lieu de racheter, à n'importe quel prix, la liberté de la jeune fille. Mais il fallait que le docteur et Pierre se gardassent bien de se faire connaître, surtout de Sarkany, qui était peut-être à Tétuan. Entre ses mains, Sava devenait, pour l'avenir, une garantie dont il ne se dessaisirait pas facilement. Or, on n'était pas ici dans un de ces pays civilisés de l'Europe où la justice et la police eussent pu utilement intervenir. En cette contrée à esclaves, comment prouver que Sava n'était pas la légitime propriété de la Marocaine? Comment prouver qu'elle était la fille du comte Sandorf, en dehors de la lettre de Madame Torontal et de l'aveu du banquier? Elles sont soigneusement fermées, peu abordables, ces maisons des villes arabes. On y peut pénétrer facilement. L'intervention d'un cadi risquait même d'être inefficace en admettant qu'elle fût obtenue. Il avait donc été décidé que tout d'abord, et de manière à éloigner le moindre soupçon, la maison de Namir serait l'objet de la plus minutieuse surveillance. Dès le matin, Pointe-Pescade irait aux informations avec Luigi, qui pendant son séjour dans cette île cosmopolite de Malte avait appris un peu d'arabe. Tous deux chercheraient à savoir en quel quartier, en quelle rue demeurait cette Namir dont le nom devait être connu. Puis on agirait en conséquence. En attendant, l'électrique 2 s'était cachée dans une des étroites criques du littoral à l'entrée de la rivière de Tétuan, et il devait être prêt à partir au premier signal. Cette nuit, dont les heures furent si longues pour le docteur et Pierre Bathory, se passa ainsi dans la fonda. Quant à Pointe-Pescade et à Cap Matifou, s'ils avaient jamais eu la fantaisie de coucher sur des lits incrustés de faïence, ils furent satisfaits. Le lendemain, Luigi et Pointe-Pescade commencèrent par se rendre au bazar, dans lequel affluait déjà une partie de la population tétuanaise. Pointe-Pescade connaissait Namir, qu'il avait 20 fois remarqué dans les rues de Raguse lorsqu'elle faisait le service d'espionne pour le comte de Sarkany. Il pouvait donc se faire qu'il la rencontrât, mais comme il n'était pas connu d'elle, cela ne présentait aucun inconvénient. Dans ce cas, il n'y aurait qu'à la suivre. Le principal bazar de Tétuan est un ensemble de hangars, d'appentis, de bicoques, basses, étroites, sordides dans de certains points, que desservent des allées humides. Quelques toiles diversement colorées, tendues sur des cordes, le protègent contre les ardeurs du soleil. Partout de sombres boutiques où se débitent des étoffes de soie brodées, des passementeries hautes en couleurs, des babouches, des aumônières, des burnous, des poteries, des bijoux, colliers, bracelets, bagues, toute une ferronnerie de cuivre, lustre, brûle-parfum, lanterne. En un mot, ce qui se trouve couramment dans les magasins spéciaux des grandes villes de l'Europe. Il y avait déjà foule. On profitait de la fraîcheur du matin. Mauresques, voilés jusqu'aux yeux, juifs à visage découvert, arabes, kabyles, marocains, allant et venant dans ce bazar, y coudoyaient un certain nombre d'étrangers. La présence de Luigi Ferrato et de Pointe Pescade ne devait pas autrement attirer l'attention. Pendant une heure, à travers ce monde bigarré, tous deux cherchèrent s'ils rencontreraient Namir. Ce fut en vain. La Marocaine ne se montra point, s'arcanit pas davantage. Luigi voulut alors interroger quelques-uns de ces jeunes garçons, à demi nus, produits hybrides de toutes les races africaines, dont le mélange s'opère depuis le Rif jusqu'aux limites du Sahara, qui grouillent dans les bazars marocains. Les premiers auxquels il s'adressa ne purent répondre à ses demandes. Un kabyle d'une douzaine d'années, à figure de gamin de Paris, assura qu'il connaissait la demeure de la Marocaine, et il offrit, moyennant quelques menues pièces de monnaie, d'y conduire les deux Européens. L'offre acceptée, tous trois s'engagèrent à travers les rues enchevêtrées qui rayonnent vers les fortifications de la ville. En 10 minutes, ils eurent atteint un quartier presque désert, dont les maisons basses étaient clairsemées, sans une fenêtre à l'extérieur. Pendant ce temps, le docteur et Pierre Batory attendaient avec une impatience fiévreuse le retour de Luigi et de Pointe Pescade. 20 fois, ils furent tentés de sortir, d'aller faire eux-mêmes ses recherches. Mais tous deux étaient connus de Sarkany et de la Marocaine. C'eût été peut-être tout risqué au cas d'une rencontre qui aurait donné l'éveil et permis de se mettre hors de leurs atteintes. Ils restèrent donc en proie aux plus vives inquiétudes. Il était 9 heures quand Luigi et Pointe Pescade rentrèrent à la Fonda. Leur visage attristé ne disait que trop qu'ils apportaient de mauvaises nouvelles. En effet, Sarkany et Namir, accompagnés d'une jeune fille que personne ne connaissait, avaient quitté Tétuan depuis 5 semaines, laissant la maison à la garde d'une vieille femme. Le docteur et Pierre ne pouvaient s'attendre à ce dernier coup. Ils furent atterrés. « Et pourtant, ce départ ne s'explique que trop, » fit observer Luigi. « Sarkany ne devait-il pas craindre que Silaste Rontal, par vengeance ou tout autre motif, ne révélât le lieu de sa retraite ?» Tant qu'il ne s'était agi que de poursuivre des traîtres, le docteur Antekirt n'avait jamais désespéré d'accomplir son œuvre. Mais maintenant c'était sa fille qu'il fallait arracher des mains de Sarkany, et il ne se sentait plus la même confiance. Cependant, Pierre et lui furent d'accord pour aller immédiatement visiter la maison de Namir. Peut-être y retrouverait-il plus que le souvenir de Sava ? Peut-être quelque indice leur révélerait-il ce qu'elle était devenue ? Peut-être aussi la vieille juive à laquelle était confiée la garde de cette maison pourrait-elle leur donner, ou plutôt leur vendre, des indications utiles à leur recherche. Luigi les y conduisit aussitôt. Le docteur, qui parlait l'arabe comme s'il fût né au désert, se donna pour un ami de Sarkany. Il ne faisait que passer à Tétuan, disait-il. Il aurait été heureux de le voir, et il demanda à visiter son habitation. La vieille fit d'abord quelques difficultés. Mais une poignée de sequins eut pour effet de la rendre plus obligeante. Et tout d'abord, elle ne refusa pas de répondre aux questions que le docteur lui fit avec l'apparence du plus vif intérêt pour son maître. La jeune fille qui avait été amenée par la Marocaine devait devenir la femme de Sarkany. Cela était décidé de longue date et très probablement le mariage se fût fait à Tétuan sans ce départ précipité. Cette jeune fille, depuis son arrivée, c'est-à-dire depuis 3 mois environ, n'était jamais sortie de la maison. On la disait bien d'origine arabe, mais la juive pensait qu'elle devait être européenne. Toutefois, elle ne l'avait vue que fort peu, si ce n'est pendant une absence de la Marocaine. Elle n'en pouvait rien apprendre de plus. Quant à dire en quel pays Sarkany les avait entraînées toutes deux, cette vieille femme ne l'aurait pu. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'ils étaient partis, depuis 5 semaines environ, avec une caravane qui se dirigeait vers l'est. Depuis ce jour, la maison était restée sous sa surveillance, et elle devait la garder jusqu'au moment où Sarkany aurait trouvé à la vendre, ce qui indiquait son intention de ne plus revenir à Tétuan. Le docteur écoutait froidement ses réponses, et au fur et à mesure, il les traduisait à Pierre Batory. En somme, ce qui était certain, c'est que Sarkany n'avait pas jugé à propos de s'embarquer sur un des paquebots qui font escale à Tanger, ni de prendre le chemin de fer dont la tête de ligne se trouve à la gare d'Oran. Aussi s'était-il joint à une caravane qui venait de quitter Tétuan pour aller où ? Était-ce vers quelque oasis du désert, ou plus loin, au milieu de ces territoires à demi sauvages où Sava serait entièrement à sa merci ? Comment le savoir ? Sur les routes de l'Afrique septentrionale, il n'est guère plus facile de retrouver les traces d'une caravane que celles d'un simple particulier. Aussi le docteur insista-t-il près de la vieille juive. Il avait reçu d'importantes nouvelles qui intéressaient Sarkany, répétait-il, et précisément à propos de cette maison dont il voulait se défaire. Mais quoi qu'il fît, il ne put obtenir aucun autre renseignement. Très évidemment, cette femme ne savait rien de la nouvelle retraite où Sarkany s'était enfui pour précipiter le dénouement de ce drame. Le docteur, Pierre, Luigi, demandèrent alors à visiter l'habitation, disposée suivant la mode arabe et dont les diverses chambres prenaient jour sur un patio entouré d'une galerie rectangulaire. Ils arrivèrent bientôt à la chambre que Sava avait occupée, une véritable cellule de prison. Là, que d'heures la malheureuse jeune fille avait dû passer en proie au désespoir, ne pouvant plus compter sur aucun secours. Le docteur et Pierre fouillaient cette chambre du regard, sans prononcer une parole, cherchant le moindre indice qui eût pu les mettre sur les traces qu'ils cherchaient. Soudain, le docteur s'approcha vivement d'un petit brasero de cuivre que supportait un trépied dans un coin de la chambre. Au fond de ce brasero tremblotaient quelques restes de papier, détruits par la flamme, mais dont l'incinération n'avait pas été complète. Sava avait-elle donc écrit ? Puis, surprise par ce départ précipité, s'était-elle décidée à brûler cette lettre avant de quitter Tétuan ? Ou même, ce qui était possible, cette lettre, trouvée sur Sava, n'avait-elle pas été anéantie par Sarkany ou Namir ? Pierre avait suivi les regards du docteur, qui s'était penché au-dessus du brasero. Qui avait-il donc ? Sur ces restes de papier qu'un souffle pouvait réduire en cendres, quelques mots se détachaient en noir, entre autres ceux-ci, malheureusement incomplets. Mad Bat. Sava, ne sachant pas, ne pouvant savoir que Madame Bathory eût disparu de Raguse, avait-elle tenté de lui écrire comme à la seule personne en ce monde dont elle put réclamer l'assistance ? Puis, à la suite du nom de Madame Bathory, on pouvait aussi déchiffrer un autre nom, celui de son fils. Pierre, retenant son haleine, essayait de retrouver quelques mots qui fût lisible encore. Mais son regard s'était troublé, il ne voyait plus. Et cependant, il y avait encore un mot qui pouvait mettre sur les traces de la jeune fille. Un mot que le docteur parvint à retrouver presque intact. « Tripolitaine !» s'écria-t-il. Ainsi donc, c'était dans la régence de Tripoli, son pays d'origine, où il devait trouver une sécurité absolue, que Sarkany avait été chercher refuge. C'était vers cette province que se dirigeait la caravane dont il suivait l'itinéraire depuis 5 semaines. « À Tripoli !» dit le docteur. Le soir même, tous avaient repris la mer. Si Sarkany ne pouvait tarder à atteindre la capitale de la régence, du moins espérait-il n'y arriver que peu de jours après lui. Chapitre 2. La fête des cigognes. Le 23 novembre, la plaine de Soung et Telaté, qui s'étend en dehors des murailles de Tripoli, offrait un curieux aspect. Si cette plaine est aride ou fertile, qui l'eût pu dire ce jour-là ? À sa surface, des tentes multicolores, empanachées de houppes et pavoisées de pavillons aux criards de couleurs, des gourbis d'aspect misérable, dont les toiles passées et rapiécées ne devaient que très insuffisamment protéger leur hôte contre l'aigre bise du gibli, vent sec soufflant du sud, ça et là des groupes de chevaux garnis du riche harnachement oriental, des méharis allongeant sur le sable leur tête plate semblable à une outre à moitié vide, de petits ânes gros comme de grands chiens gros comme de petits ânes, des mules portant l'énorme selle arabe dont le trousquin et le pommeau s'arrondissent comme les bosses du chameau, puis des cavaliers, le fusil en travers du dos, les genoux à la hauteur de la poitrine, les pieds engagés dans des étriers en forme de babouche, le double sabre à la ceinture, galopant au milieu d'une foule d'hommes, de femmes, d'enfants, sans s'inquiéter de ce qu'ils pouvaient écraser à leur passage. Enfin des indigènes presque uniformément vêtus du haouli barbaresque, sous lequel on ne saurait distinguer une femme d'un homme, si les hommes ne rattachaient pas les plis de cette couverture à leur poitrine au moyen d'un clou de cuivre, tandis que les femmes en font retomber le pan supérieur sur leur figure, de façon à n'y voir que l'œil gauche, costume qui varie suivant les classes. Pour les pauvres, le simple manteau de laine sous lequel ils sont nus, pour les gens aisés, la veste et la culotte large des Arabes, pour les riches, de splendides ajustements, quadrillés de couleurs blanches et bleues, sur un second haouli de gaze, où le luisant de la soie se mêle au mat de la laine par-dessus la chemise pailletée d'or. Les Tripolitains étaient-ils donc seuls à s'entasser sur cette plaine? Non. Aux abords de la capitale se pressaient des marchands de Gadames et de Sokna avec l'escorte de leurs esclaves noirs. Puis des Juifs et des Juives de la province, celles-ci le visage découvert, grasses comme il convient au pays et encalçonnées de façon peu gracieuse. Puis des Nègres venus d'un village voisin, après avoir quitté leur misérable cabane de joncs et de palmes pour assister à cette réjouissance publique, moins riche de linge que de bijoux, grossiers bracelets de cuivre, colliers de coquillages, rivières de dents de bête, anneaux d'argent aux lobes des oreilles et au cartilage du nez. Puis des Benouliès, des Awagir, originaires des rivages de la Grande Syrie, auxquels le dattier de leur pays fournit le vin, les fruits, le pain et les confitures. Enfin, au milieu de cette agglomération de Maures, de Berbères, de Turcs, de Bédouins et même de Moussafirs, qui sont les Européens, paradaient des Pachas, des Cheikhs, des Cadis, des Caïdes, tous seigneurs de l'endroit, fendant la foule des Raayas, qui s'ouvraient humblement et prudemment devant le sabre nu des soldats ou le bâton de police des Aptiès, lorsque passait dans son indifférence auguste le gouverneur général de ce ciel est africain, de cette province de l'Empire turc, dont l'administration relève du sultan. Si l'on compte plus de 1 500 000 habitants dans la Tripolitaine, avec 6 000 hommes de troupes, 1 000 000 pour le Djebel et 500 pour la Cyrénaïque, la ville de Tripoli, prise à part, n'a pas plus de 20 à 25 000 âmes. Mais ce jour-là, on peut affirmer que cette population s'était au moins doublée par le concours des curieux venus de tous les points du territoire. Ces ruraux, il est vrai, n'avaient point cherché refuge dans la capitale de la régence. Entre les murailles peu élastiques de l'enceinte fortifiée, ni les maisons que la mauvaise qualité de leurs matériaux change bientôt en ruines, ni les rues étroites, tortueuses, sans pavés, on pourrait même dire sans ciel, ni le quartier voisin du môle où se trouvent les consulats, ni le quartier de l'ouest où s'empile la tribu juive, ni ce qui reste de la ville pour les besoins de la race musulmane, n'aurait pu contenir une pareille invasion de populaire. Mais la plaine de Sung et Télaté était assez vaste pour la foule des spectateurs, accourus à cette fête des cigognes, dont la légende est toujours en honneur dans les pays orientaux de l'Afrique. Cette plaine, un morceau de Sahara à sable jaune, que la mer envahit quelquefois par les grands vents d'Est, entoure la ville sur 3 côtés, et mesure environ 1 kilomètre de largeur. Par un contraste vivement accusé, à sa limite méridionale, se développe l'oasis de la Menchié, avec ses habitations à murs éclatants de blancheur, ses jardins arrosés par la noria de cuir que meut une vache maigre, ses bois d'orangers, de citronniers et de dattiers, ses massifs verdoyants d'arbustes et de fleurs, ses antilopes, ses gazelles, ses fennecs, ses flamands, vaste enclave dans laquelle se groupe une population dont le chiffre n'est pas inférieur à 30 000 habitants. Puis au-delà, c'est le désert, qui en aucun point de l'Afrique ne se rapproche si près de la Méditerranée. Le désert et ses dunes mouvantes, son immense tapis de sable, sur lequel, a dit le baron de Kraft, le vent dessine des vagues aussi facilement que sur la mer. Océan libyen, auquel ne manquent même pas des brumes d'une poussière impalpable. La Tripolitaine, un territoire presque aussi grand que la France, s'étend entre la régence de Tunis, l'Égypte et le Sahara, sur 300 kilomètres du littoral méditerranéen. C'est dans cette province, l'une des moins connues de l'Afrique septentrionale, où l'on peut être le plus longtemps à l'abri de toute recherche, que s'était réfugié Sarkany après avoir quitté Tétuan. Originaire de la Tripolitaine, théâtre de ses premiers exploits, il ne faisait que revenir à son pays natal. Affilié d'ailleurs, on ne l'a pas oublié, à la plus redoutable secte de l'Afrique du Nord, il devait trouver un secours efficace chez ces sénousistes dont il n'avait jamais cessé d'être l'agent à l'étranger pour leurs acquisitions de munitions et d'armes. Aussi, en arrivant à Tripoli, avait-il pu s'établir dans la maison du Mokadem, Sidi Hazam, chef reconnu des sectaires du district. Après l'enlèvement de Silas Torrental sur la route de Nice, enlèvement encore inexplicable pour lui, Sarkany avait quitté Monte Carlo. Quelques milliers de francs prélevés sur ses derniers gains et qu'il avait eu la précaution de ne pas risquer comme dernier enjeu, lui avaient permis de subvenir aux frais de son voyage et des éventualités auxquelles il lui fallut d'abord faire face. Il avait lieu de craindre en effet que Silas Torrental, réduit au désespoir, ne fût poussé à se venger de lui, soit en parlant de son passé, soit en révélant la situation de Sava. Or, le banquier n'ignorait pas que la jeune fille était à Tétuan, entre les mains de Namir. De là cette résolution que prit Sarkany de quitter le Maroc dans le plus bref délai. En réalité, c'était agir prudemment, puisque Silas Torrental ne devait pas tarder à dire en quel pays et en quelle ville la jeune fille était retenue sous la garde de la Marocaine. Sarkany prit donc la résolution de se réfugier dans la régence de Tripoli, où ne lui manquerait ni les moyens d'action, ni les moyens de défense. Mais à s'y rendre, soit par les paquebots du littoral, soit par les chemins de fer de l'Algérie, ainsi que l'avait bien compris le docteur, il aurait couru trop de risques. Aussi préféra-t-il se joindre à une caravane de sénousistes qui émigrait vers la Cyrénaïque en se recrutant de nouveaux affiliés dans les principaux vilayettes du Maroc, de l'Algérie et de la province tunisienne. Cette caravane, qui devait franchir rapidement 500 lieues de parcours entre Tétuan et Tripoli, en suivant la limite septentrionale du désert, partit à la date du 12 octobre. Et maintenant, Sava était entièrement à la merci de ses ravisseurs. Mais sa résolution n'en fut point ébranlée. Ni les menaces de Namir, ni les colères de Sarkany ne devaient avoir de prise sur elle. Au départ de Tétuan, la caravane comptait déjà une cinquantaine d'affiliés ou de couanes, enrégimentés sous la direction d'un imam qu'il avait organisé militairement. Il n'était pas question d'ailleurs de traverser les provinces soumises à la domination française, où ce passage eût pu soulever quelques difficultés. Le continent africain, par la configuration littorale des territoires de l'Algérie et de la Tunisie, forma un arc jusqu'à la côte ouest de la Grande Sirte, qui redescend brusquement au sud. Il s'ensuit donc que la route la plus directe pour aller de Tétuan à Tripoli est celle que dessine la corde de cet arc. Elle ne remonte pas dans le nord plus haut que la Gouate, l'une des dernières villes françaises sur la frontière du Sahara. La caravane, au sortir de l'Empire marocain, longea d'abord la limite des riches provinces de cette Algérie qu'on a proposé d'appeler la Nouvelle-France et qui, en réalité, eh bien la France elle-même, plus que la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Hollande, la Nouvelle-Écosse, ne sont l'Écosse, la Hollande et la Calédonie, puisque 30 heures de mer à peine la séparent du territoire français. Dans le Beni Matane, dans l'Oulad Nahil, dans le Charfat El Hamel, la caravane s'accrut d'un certain nombre d'affiliés. Aussi son personnel se montait-il à plus de 300 hommes, quand elle atteignit le littoral tunisien sur la limite de la Grande Sirte. Elle n'avait plus alors qu'à suivre la côte, et en recrutant de nouveaux couanes dans les divers villages de la province, elle arriva vers le 20 novembre à la frontière de la Régence, après un voyage de 6 semaines. Donc, au moment où allait être célébrée à grand fracas cette fête des cigognes, Sarkani et Namir n'étaient que depuis 3 jours les hôtes du mokadem Sidi Hazam, dont la demeure servait maintenant de prison à Sava Sandorf. Cette habitation, dominée par un svelte minaret, avec ses murs blancs percés de quelques meurtrières, ses terrasses crénelées sans fenêtres à l'extérieur, sa porte étroite et basse, avait quelque peu l'aspect d'une petite forteresse. C'était en réalité une véritable zaouïa, située en dehors de la ville, à la lisière de la plaine de sable et des plantations de la Menchier, dont les jardins défendus par une haute enceinte empiétaient sur le domaine de l'oasis. À l'intérieur, disposition habituelle aux demeures arabes, mais sur un dessin triple, c'est-à-dire qu'on y comptait 3 cours ou patios. Autour de ces patios se développait un quadrilatère de galeries à colonnettes et à arcades sur lesquelles s'ouvraient les diverses chambres de l'habitation, pour la plupart richement meublées. Au fond de la seconde cour, les visiteurs ou les hôtes du mokadem trouvaient une vaste skifa, sorte de vestibule ou de hall dans lequel s'était déjà tenue plus d'une conférence sous la direction de Sidi Hazam. Si cette habitation se défendait naturellement par ses hautes murailles, elle renfermait en outre un personnel nombreux qui pouvait concourir à sa sécurité en cas d'attaque des barbaresques nomades ou même de l'autorité tripolitaine dont les efforts tendaient à contenir les sénousistes de la province. Il y avait là une 50aine d'affiliés, bien armés pour la défensive comme pour l'offensive. Une seule porte donnait accès dans cette zaouïa, mais cette porte, très épaisse et très solide sous ses ferrures, on ne l'eût pas aisément forcée. Et une fois forcé, on ne l'eût pas aisément franchi. Sarkani avait donc trouvé chez le mokadem un asile assuré. C'était là qu'il espérait mener sa tâche à bonne fin. Son mariage avec Sava devait lui donner une fortune très considérable encore, et au besoin il pouvait compter sur l'assistance de la confrérie, directement intéressée à son succès. Quant aux affiliés, arrivés de Tétuan ou racolés dans les vilayettes, ils étaient dispersés à travers l'oasis de Menchier, prêts à se réunir au premier signal. Cette fête des cigognes, sans que la police tripolitaine pût s'en douter, allait précisément servir la cause du sénousisme. Là, sur la plaine du Sung et Telaté, les Kouanes de l'Afrique septentrionale devaient prendre le mot d'ordre des Moftis pour opérer leur concentration sur le territoire de la Cyrénaïque et en faire un véritable royaume de pirates sous la toute-puissante autorité d'un calife. Or, les circonstances étaient favorables, puisque c'était précisément dans le vilayet de Benghazi, en Cyrénaïque, que l'association comptait déjà le plus grand nombre de partisans. Le jour où la fête des cigognes allait être célébrée dans la Tripolitaine, 3 étrangers se promenaient au milieu de la foule sur la plaine du Sung et Telaté. Ces étrangers, ces moussafirs, personne n'eût pu les reconnaître pour des Européens sous leur costume arabe. Le plus âgé des 3, d'ailleurs, portait le sien avec cette parfaite aisance que peut seul donner une longue habitude. C'était le docteur Antekirt, accompagné de Pierre Batory et de Luigi Ferrato. Pointe Pesca de Cap Matifou étaient restés à la ville où ils s'occupaient de certains préparatifs, et sans doute ils ne paraîtraient sur le lieu de la scène qu'au moment d'y jouer leur rôle. Il y avait 24 heures seulement que dans l'après-midi l'électrique 2 avait jeté l'ancre à l'abri de ces longues roches qui font au port de Tripoli une sorte de digue naturelle. La traversée avait été aussi rapide au retour qu'à l'aller. 3 heures de relâche à Philippeville, dans la petite anse de Filfila, rien de plus, ce qu'il avait fallu de temps pour se procurer des costumes arabes. Puis l'électrique était reparti immédiatement, sans même que sa présence eût été signalée dans le golfe de Numidie. Ainsi donc, lorsque le docteur et ses compagnons avaient accosté, non pas les quais de Tripoli, mais les roches en dehors du port, ce n'étaient pas 5 Européens qui venaient de mettre pied sur le territoire de la Régence. C'étaient 5 Orientaux, dont le vêtement ne pouvait attirer l'attention. Peut-être par défaut d'habitude, Pierre et Luigi, accoutrés de la sorte, se seraient-ils trahis aux yeux d'un observateur minutieux. Mais Pointe Pesca et Cap Matifou, accoutumés aux travestissements multiples des saltimbanques, cela n'était pas pour les embarrasser. Quant à l'électrique, la nuit venue, il alla se cacher de l'autre côté du port, dans une des criques de ce littoral peu gardé. Là, il devait se tenir prêt à prendre la mer à toute heure du jour ou de la nuit. Dès qu'ils eurent débarqué, le docteur et ses compagnons remontèrent la base rocheuse de la côte, prirent le quai de gros blocs qui mène à Babelbar, la porte de mer, et s'engagèrent dans les étroites rues de la ville. Le premier hôtel qu'ils trouvèrent, et ils n'y avaient guère à choisir, leur sembla suffisant pour quelques jours, sinon quelques heures. Ils s'y présentèrent en gens de train modestes, de simples marchands tunisiens qui voulaient profiter de leur passage à Tripoli pour assister à la fête des cigognes. Comme le docteur parlait aussi correctement l'arabe que les autres idiomes de la Méditerranée, ce n'était pas son langage qui eût pu le trahir. L'hôtelier reçut, avec empressement, les cinq voyageurs qui lui faisaient le très grand honneur de descendre chez lui. C'était un gros homme, fort bavard. Aussi, en le faisant causer, le docteur eut-il bientôt appris certaines choses qui l'intéressaient directement. Tout d'abord, il sut qu'une caravane était récemment arrivée du Maroc en Tripolitaine. Puis il apprit que Sarkany, fort connu dans la Régence, faisait partie de cette caravane et qu'il avait reçu l'hospitalité dans la maison de Sidi Hazam. Voilà pourquoi le soir même, le docteur, Pierre et Luigi, tout en prenant certaines précautions pour ne point être remarqués, s'étaient mêlés à la foule des nomades qui campaient sur la plaine de Soung et Telaté. Tout en se promenant, ils observaient la maison du Mokadem sur la lisière de l'oasis de Menchié. C'était donc là qu'était enfermé Sava Sendorf. Depuis le séjour du docteur à Raguse, jamais le père et la fille n'avaient été plus rapprochés l'un de l'autre. Mais en ce moment, un infranchissable mur les séparait. Certes, pour la lui arracher, Pierre eut consenti à tout, même à composer avec Sarkany. Le comte Mathias Sendorf et lui étaient prêts à lui abandonner cette fortune que le misérable convoitait. Et pourtant, il ne pouvait oublier qu'il devait aussi faire justice du délateur d'Étienne Bathory et de Ladislas Zatmar. Toutefois, dans les conditions où il se trouvait alors, de s'emparer de Sarkany, d'arracher Sava de la maison de Sidi Hazam, cela ne laissait pas de présenter des difficultés presque insurmontables. À la force qui ne pouvait réussir, faudrait-il substituer la ruse? La fête du lendemain permettrait-elle de l'employer? Oui, sans doute. Et ce fut le plan dont le docteur, Pierre et Luigi, s'occupèrent pendant la soirée. Plan qui avait été suggéré par Pointe Pescade. En l'exécutant, le brave garçon allait risquer sa vie. Mais s'il parvenait à pénétrer dans l'habitation du Mokadem, peut-être parviendrait-il à enlever Sava Sendorf? Rien ne semblait impossible à son courage et à son adresse. C'est donc pour l'exécution du plan adopté que le lendemain, vers 3 heures du soir, le docteur Antekirt, Pierre, Luigi, se trouvaient tous trois en observation sur la plaine de Soung et Telaté, pendant que Pointe Pescade et Cap Matifou se préparaient pour les rôles qu'ils devaient jouer au plus fort de la fête. Jusqu'à cette heure, il n'y avait rien encore qui pût faire pressentir le bruit et le mouvement dont la plaine allait s'emplir à la lueur d'innombrables torches lorsque le soir serait venu. À peine eut-on remarqué, au milieu de cette foule compacte, les allées et venues des partisans sénousistes, vêtus de costumes très simples, qui se communiquaient, rien que par un signe maçonnique, les ordres de leur chef. Mais il est à propos de faire connaître la légende orientale, ou plutôt africaine, dont les principaux incidents allaient être reproduits dans cette fête des cigognes qui est de grande attraction pour les populations musulmanes. Il y avait autrefois sur le continent africain une race de djinns. Sous le nom de Bouihebr, ces djinns occupaient un vaste territoire situé à la limite du désert de Hamada, entre la Tripolitaine et le royaume du Fezzan. C'était un peuple puissant, très redoutable, très redouté aussi. Il était injuste, perfide, agressif, inhumain. Aucun souverain de l'Afrique n'avait pu le mettre à la raison. Il advint un jour que le prophète Souleyman tenta non d'attaquer les djinns, mais de les convertir. Aussi dans ce but, leur envoya-t-il un de ses apôtres afin de leur prêcher l'amour du bien, la haine du mal. Peine perdue, ces hordes farouches s'emparèrent du missionnaire et le mirent à mort. Si les djinns montraient tant d'audace, c'est que dans leur pays, isolé et de difficile accès, ils savaient que nul roi voisin n'aurait osé aventurer ses armées. Ils pensaient d'ailleurs qu'aucun messager ne pourrait aller apprendre au prophète Souleyman quel accueil ils avaient fait à son apôtre. Ils se trompaient. Il y avait dans le pays un grand nombre de cigognes. Ce sont, on le sait, des oiseaux de bonne mœur, d'intelligence hors ligne et surtout de grand sens, puisque la légende affirme qu'ils n'habitent jamais une contrée dont le nom figure sur une pièce d'argent, l'argent étant la source de tous les maux et le plus puissant mobile qui entraîne l'homme à l'abîme de ses mauvaises passions. Or, ces cigognes, voyant l'état de perversité dans lequel vivaient les djinns, se réunirent un jour en assemblée délibérative et décidèrent de dépêcher l'une d'elles au prophète Suleyman afin de signaler à sa juste vengeance les assassins du missionnaire. Aussitôt le prophète d'appeler Sahup, qui est son courrier favori, et de lui donner ordre d'amener dans les hautes zones du ciel africain toutes les cigognes de la terre. C'est ce qui fut fait, et quand les innombrables phalanges de ces oiseaux furent réunies devant le prophète Suleyman, dit textuellement la légende, elles formaient un nuage qui aurait mis à l'ombre tout le pays entre Mesda et Morzouk. Alors chacune, après avoir pris une pierre dans son bec, se dirigea vers le territoire des djinns. Puis, planant au-dessus, elles lapidèrent cette mauvaise race dont les âmes sont maintenant enfermées pour l'éternité au fond du désert de Hamada. Telle est cette fable qui allait être mise en scène dans la fête de ce jour. Plusieurs centaines de cigognes avaient été réunies sous d'immenses filets tendus à la surface de la plaine de Song et Telaté. Là, pour la plupart, debout sur une patte, elles attendaient l'heure de la délivrance, et le claquement de leurs mandibules faisait parfois passer à travers l'air un roulement comparable à celui du tambour. Au signal donné, elles devaient s'envoler à travers l'espace et laisser échoir d'inoffensives pierres de terre molle sur la foule des fidèles, au milieu des hurlements des spectateurs, du fracas des instruments, des détonations de la mousqueterie, à la lueur de torches aux flammes multicolores. Pointe-Pescade connaissait le programme de cette fête, et c'était ce programme qui lui avait suggéré la pensée d'y jouer un rôle. Dans ces conditions, peut-être pourrait-il pénétrer à l'intérieur de la maison de Sidi Hazam. Au moment où le soleil venait de se coucher, un coup de canon tiré de la forteresse de Tripoli donna le signal attendu si impatiemment par le public du Song et Telaté. Le docteur, Pierre et Luigi, d'abord assourdis du bruit effroyable qui s'éleva de toutes parts, furent bientôt aveuglés par les milliers de lueurs qui brillèrent sur toute la plaine. À l'instant où le coup de canon s'était fait entendre, cette foule des nomades était encore occupée au repas du soir. Ici, le mouton rôti, le pilau de poulet pour ceux qui étaient turcs et voulaient le paraître, là le couscoussou pour les arabes de quelque aisance, plus loin une simple basina, sorte de bouillie de farine d'orge à l'huile, pour la multitude des pauvres diables dont les poches contenaient plus de maboubes de cuivre que de mictal d'or, puis partout et à flot le lagbi, ce suc du dattier qui, lorsqu'il est porté à l'état de bière alcoolique, peut pousser aux derniers excès de l'ivresse. Quelques minutes après le coup de canon, hommes, femmes, enfants, turcs, arabes, nègres, ne se possédaient déjà plus. Il fallait que les instruments de ces orchestres barbares eussent une effroyable sonorité pour se faire entendre au milieu d'un pareil brouhaha humain. Ça et là, les cavaliers bondissaient en déchargeant leurs longs fusils et leurs pistolets d'arçon, pendant que des pièces d'artifice, des boîtes assourdissantes, détonnaient comme des bouches à feu au milieu d'un tumulte qu'il serait impossible de peindre. Ici, à la lumière des torches, au crépitement des tambours de bois, à la mélopée d'un chant monotone, un chef nègre, fantastiquement vêtu, la ceinture cliquetante d'osselets, la figure cachée sous un masque diabolique, excitait à la danse une trentaine de noirs, grimaçant au centre d'un cercle de femmes convulsionnées qui leur battaient des mains. Ailleurs, de sauvages Aïssassoua, au dernier degré de l'exaltation religieuse et de l'ivresse alcoolique, la face spumeuse, les yeux hors des orbites, broyant du bois, mâchant du fer, se tailladant dans la peau, jonglant avec les charbons ardents, s'enroulaient de leurs longs serpents qui les mordaient aux poignets, aux joues, aux lèvres et auxquels ils rendaient l'appareil en dévorant leur queue sanglante. Mais bientôt la foule se porta avec un empressement extraordinaire vers la maison de Sidi Hazam, comme si quelque nouveau spectacle l'eût attiré de ce côté. Deux hommes étaient là, L'un, énorme, l'autre fluet. Deux acrobates, dont les curieux exercices de force et d'adresse, au milieu d'un quadruple rang de spectateurs, provoquaient les plus bruyants hurrahs qui pussent s'échapper d'une bouche tripolitaine. C'était Pointe Pescade et Cap Matifou. Ils avaient choisi le théâtre de leurs exploits à quelques pas seulement de la maison de Sidi Hazan. Tous deux, pour cette occasion, avaient repris leur ancien métier d'artiste forain. Vêtus d'oripeaux qu'ils s'étaient taillés dans des étoffes arabes, ils étaient en quête de nouveaux succès. « Tu ne seras pas trop rouillé ?» avait préalablement dit Pointe Pescade à Cap Matifou. « Non, Pointe Pescade. Et tu ne reculeras pas devant n'importe quel exercice pour enthousiasmer ces imbéciles ?»« Moi, reculer ? Quand même, il te faudrait broyer des cailloux avec tes dents et avaler des serpents ?»« Cuit ?» demanda Cap Matifou. « Non, cru. »« Cru ? Et vivant ?» Cap Matifou avait fait la grimace. Mais s'il le fallait, il était décidé à manger du serpent, comme un simple haïssa soie. Le docteur, Pierre et Luigi, mêlés à la foule des spectateurs, ne perdaient pas de vue leurs deux compagnons. Non, Cap Matifou n'était pas rouillé. Il n'avait rien perdu de sa force prodigieuse. Tout d'abord, les épaules de 5 ou 6 des plus robustes arabes qui s'étaient risqués à lutter avec lui avaient touché le sol. Puis ce furent des jongleries qui émerveillèrent les arabes, surtout lorsque des torches enflammées s'élancèrent des mains de Pointe Pescade aux mains de Cap Matifou en croisant leurs zigzags de feu. Et cependant, ce public avait le droit d'être difficile. Il y avait là bon nombre de ces admirateurs des Touaregs, à demi sauvages, dont l'agilité est égale à celle des animaux les plus redoutés de ces latitudes, comme l'annonce l'étonnant programme de la célèbre troupe Braco. Ses connaisseurs avaient déjà applaudi l'intrépide Mustapha, le Samson du désert, l'homme canon, auquel la reine d'Angleterre avait fait dire, par son valet de chambre, de ne pas recommencer son expérience de peur d'accident. Mais Cap Matifou était incomparable dans les tours de force, et il pouvait défier tous ses rivaux. Enfin, un dernier exercice vint mettre le comble à l'enthousiasme de la foule cosmopolite qui entourait les artistes européens. Usé dans les cirques de l'Europe, il paraît qu'il était encore inconnu des badauds de la Tripolitaine. Aussi les spectateurs s'écrasaient-ils pour voir de plus près les deux acrobates qui travaillaient à la lumière des torches. Cap Matifou, après avoir saisi une perche longue de 25 à 30 pieds, la tenait verticalement de ses deux mains ramenées contre sa poitrine. À l'extrémité de cette perche, Pointe Pescade, qui venait d'y grimper avec l'agilité d'un singe, se balançait dans des poses d'une étonnante hardiesse en lui imprimant une courbure inquiétante. Mais Cap Matifou restait inébranlable, tout en se déplaçant peu à peu afin de conserver son équilibre. Puis, quand il fut près du mur de la maison de Sidi Hazam, il eut la force de hisser la perche à bout de bras, tandis que Pointe Pescade prenait l'attitude d'une renommée qui envoyait des baisers au public. La foule des Arabes et des Nègres, absolument transportés, hurlait de la bouche, battait des mains, trépignait des pieds. Non, jamais le Samson du désert, l'intrépide Mustapha, le plus hardi des Touaregs, ne s'était élevé à une pareille hauteur. En ce moment, un coup de canon retentit sur le terre-plein de la forteresse de Tripoli. À ce signal, les centaines de cigognes, subitement délivrées des immenses filets qui les retenaient prisonnières, s'enlevèrent dans l'air, et une grêle de fausses pierres commença à tomber sur la plaine, au milieu d'un assourdissant concert de cris aériens, auquel répondit avec non moins de violence le concert terrestre. Ce fut le paroxysme de la fête. On eût dit que tous les hospices de fous de l'ancien continent venaient de se vider sur le son étalaté de la Tripolitaine. Cependant, comme si elle eût été sourde et muette, l'habitation du Mokadem était restée obstinément close pendant ces heures de réjouissance publique, et pas un seul des affidés de Sidi Hazam n'avait paru à la porte ni sur les terrasses. Mais ô prodige, à l'instant où les torches venaient de s'éteindre, après l'immense enlèvement des cigognes, Pointe Pescade avait disparu tout à coup, comme s'il se fût envolé dans les hauteurs du ciel avec les fidèles oiseaux du prophète Souleymane. Qu'était-il devenu? Quant à Cap Matifou, il n'eut pas l'air de s'inquiéter de cette disparition. Après avoir fait sauter sa perche en l'air, il la reçut adroitement par l'autre bout, et la fit tournoyer comme un tambour-major eût fait de sa gigantesque canne. l'escamotage de Pointe-Pescade n'avait semblé être pour lui que la chose du monde la plus naturelle. Toutefois, l'émerveillement des spectateurs fut porté au comble et leur enthousiasme s'acheva dans un immense hurrah qui dut s'entendre au-delà des limites de l'oasis. Aucun d'eux n'avait mis en doute que l'agile acrobate ne fût parti à travers l'espace pour le royaume des cigognes. Ce qui charme le plus les multitudes, n'est-ce pas ce qu'elles ne peuvent s'expliquer ?